salut. Alors, je suis bien embêté avec ce podcast. Parce que... voyez-vous... Je sais pas trop ce que je vais en faire. J'ai déjà fait 2 épisodes que j'ai effacés. Vous avez peut-être écouté. Bon, je ne regrette pas, mais... c'est pas exactement ce que je voudrais faire du podcast. 40 ou moins de 36-15, my life. Bon... Parce que, en fait, raconter sa vie, c'est pas très intéressant. Après, il y aurait peut-être une manière de la raconter plus intéressante, un peu comme un récit d'une vie. Je dis pourquoi pas, à condition que ça soit pas pour se plaindre de. Parce que sinon, ça va faire vraiment un podcast de dépressif. Et comme je suis pas dépressif, tiens. Et comment dire, ça va être à la route entre nous, donc comme vous écoutez certainement beaucoup de podcasts, ce sera vraiment pour une poignée de gens qui auront du temps à perdre. Mais comme un peu sur l'approche de la quarantaine, côté un peu je regarde en arrière et qu'est-ce que je vais foutre du reste de ma vie, si c'était bien fait je serais journaliste ou vous voyez un mec marrant plein d'esprit, n'est-ce pas, et j'en ferais un truc super drôle avec de l'humour décapant, n'est-ce pas? Comme un programme radio, quoi. Un truc marketé, que je trouve, moi, toujours merdique. Je me suis jamais retrouvé là-dedans. Je n'ai jamais trouvé moins d'intérêt. Mais bon, au moins, ça fait rire les gens, et... ça pourrait être pas mal. Ce serait un peu test grand public de qualité. Mais... pas trop envie de faire ça, ça me ressemble pas trop, quoique ça réfléchit, hein. Ça se trouve je vais faire ce podcast et puis tout d'un coup je vais me dire mais attends, je pourrais me faire du fric et j'en ferai des petits épisodes et ça serait la vie commence à 40 ans, quoi, tu vois, la vie commence-t-elle à 40 ans. Et comme je vous l'avais dit, mais j'ai passé l'épisode, La vie commence à 40 ans, c'est un film russe qui est très bien. Il y a plusieurs films russes très très bien dans les années, je sais pas, 70-80, qui sont vraiment de beaux films, intéressants, assez drôles et mélancoliques à la fois. Drôles et mélancoliques. J'ai un autre. J'ai des idées de podcast et de programme, vous savez. J'en ai plein, mais. J'ai pas d'intention de les faire. Par exemple, il y en a un, je trouverais ça marrant de l'appeler Dreamcast, et puis tu racontes seulement tes rêves, en fait. Les rêves dont tu te souviens. Tu les décris. Puis si tu veux faire un peu de développement personnel, psychologie du comptoir, comme on en a beaucoup aujourd'hui, tu fais de l'analyse des rêves. À 2,50 €. J'ai peut-être commencé par ça, hein. Raconter mes rêves. Mais comme c'est né aussi d'un besoin. En fait, c'est vraiment quand même. Le cœur est quand même lié à la quarantaine approchante. Bon, j'ai 37, bientôt 38. Pour les Chinois, j'ai déjà 38, hein, puisque on a l'âge qu'on a de l'année en cours. Comment dire, depuis plusieurs années déjà, je traîne ce côté très dubitatif finalement de l'enfance et du passage à l'âge adulte, on va dire, mais surtout à la vie active, c'est-à-dire le... Quand tu quittes... alors, ça dépend des gens, hein, mais... Bien sûr, tout le monde n'a pas vécu tranquillement son enfance, mais je veux dire, quand tu quittes les études, ce moment où tu te crois, enfin moi en tout cas, où je me croyais assez libre finalement, et je voyais pas en quoi la vie allait être vraiment compliquée après, au sens où je me disais, bon ok, le but c'est de choisir un métier. Bon, moi j'étais pas là-dedans, parce que je voulais pas choisir un métier, je voulais faire de la philo. Après je voulais, comment dire, je croyais que en faisant de la philo, comme j'étais vraiment, parce que j'étais passionné de manière assez précoce par la philo et la littérature et des choses comme ça, je croyais que j'allais faire, je sais pas, j'allais devenir un homme politique, quoi, presque, quelque chose comme ça. Mais genre un révolutionnaire, quelqu'un d'important. Jésus. Et puis une fois que tu quittes ça et qu'on te rappelle à la réalité, qu'on te dit, bah écoute, il va falloir que tu trouves du taf, hein, mon gars, parce que on va pas te payer tes études pendant 10 ans, voilà. Là, ça a commencé à bien déchanter. Alors c'était pas la catastrophe, hein. Je me suis amusé, j'ai appris des trucs, j'ai rencontré des gens, c'est surtout ça la limite, rencontrer des gens. Puis j'ai navigué professionnellement dans des espaces un peu différents, et mais toujours en me faisant des fesses palmes, parce que j'en peux plus en fait des bureaux, etc. Mais j'ai navigué dans le secteur culturel aussi, musées, maisons d'édition, où j'ai appris des choses, mais bon, disons que voilà. Et maintenant, la quarantaine approchant, ça fait genre une dizaine d'années forcément que je bosse, et depuis plusieurs années, alors il se trouve que je suis absolument pas un mec, bon déjà je suis pas suicidaire, je suis pas d'un naturel triste, à la limite je suis d'un naturel assez mélancolique, mais la tristesse et la mélancolie sont deux choses complètement différentes. La mélancolie, comme le disait Victor Hugo, il me semble qu'il dit que la mélancolie c'est le bonheur d'être triste, un peu un truc comme ça. Bon, je sais pas si c'est dans le 93 ou dans un L'homme qui rit, je sais plus, il y a trop de mémoire là, je pense que c'est dans l'un des deux, hein. Mais je peux me gourer. Et donc, c'est la période depuis. Ça s'étend, mais là, ça se focalise, ça se cristallise, je sais pas, parce que d'autres personnes forcément s'en rendent compte. L'anecdote que je vous ai racontée la dernière fois, que j'ai effacée, sur la nana qui m'avait contacté via Instagram, là. Bon, ça, c'est les seuls genres d'anecdotes, je pense, que je m'autoriserais, c'est de raconter des histoires, parce que c'est drôle en général. Les rencontres, pas amoureuses, mais dans lesquelles la séduction entre en jeu, et puis ça se finit en nawak, ça fait des anecdotes, je trouve, assez drôles. Jamais je raconterai donc les anecdotes glauques, les décès, ce genre de choses, bon, hein. Même si c'est 36-15 my life, il y a quand même des limites. Même si par contre, peut-être, oui, ce qui en... si j'en viens à parler de ce genre de choses, ça sera pour parler d'autres choses, comme on dit. Mais du coup, je raconterai pas ce genre de choses sous la forme d'anecdotes. La dernière anecdote que je vous avais racontée, là. La fille là qui s'était manifestée sur Instagram et qui envoyait des cœurs et tout le bordel, elle a vu quand même un truc très vrai chez moi. Alors moi, bon, bah, j'ai envie de dire longtemps, mais bon, c'est l'approche de la quarantaine, il y a une espèce de passivité, attentisme, en tout cas. Après, j'ai des potes, ils ont le même âge que moi, ils sont blasés, voilà. C'est le mot, c'est carrément blasé, hein. C'est Bah forcément, t'es gamin, à la limite, je sais pas, t'as des rêves, des trucs, des machins, puis après, tu bosses pendant 10 ans dans un bureau, dans la finance, dans je ne sais quoi. C'est abrutissant en fait si tu fais ça. Et ça casse forcément. Quand t'étais gamin, ou même étudiant, tu t'intéressais à des choses un petit peu plus nobles, un petit peu plus profondes, et que finalement, après tu te rends compte que depuis 10 ans, tu coches des cases Excel, tu passes des coups de fil pour vendre des trucs, tu remplis des tableaux. Bon, tu fais ça tous les jours depuis 10 ans. Tous les jours, quoi. Ouais, c'est forcément. Tout le monde finit par plier, quoi, on va dire. Et ça a été un peu l'enjeu de moi, de mon taf, hein, depuis 10 ans, en tout cas de cet aspect-là de la vie, de pas trop m'abrutir, ni sombrer dans la dépression, ni. Mais bon, j'ai jamais réussi, et c'est l'enjeu aussi de ce podcast, et puis de l'approche de la quarantaine. L'enjeu, c'est de s'en sortir quand même, de sortir de ça, de plus être en train de juste lutter, de trouver des petits espaces créatifs, marrants, à l'intérieur d'un planning de robot. Ça fait partie du sujet. Et bon, autant parler du coup de l'aspect artistique, puisque j'ai écrit un roman il y a 10 ans qui a été publié, mais j'ai écrit bien d'autres trucs en fait, des poèmes, etc. Alors il se trouve que mon éditeur, je pense, lui a plié, alors il dirait pas comme ça, enfin en tout cas il s'est marié, etc. Puis j'ai été mis au rebut, quoi. C'est pas une plainte, hein, c'est pas. Voilà, tant pis, c'est la vie. Mais on va dire j'ai été oublié un peu quand même. Alors qu'il y avait des projets en cours. Et depuis, je pense que ça doit faire 5 ans du coup. Depuis 5 ans, même mes textes. Je les écris sans trop de conviction. D'ailleurs, j'ai enchaîné l'écriture de 4-5 romans. Et puis tout d'un coup, je me suis arrêté, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça, quoi? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas d'éditeur. Dans l'édition, je sais pas comment. Parce que bon, si vous pensez à des Harry Potter, etc., bon, oui, mais c'est différent. Là, je vous parle de poèmes et de romans. Voilà, c'est de la littérature. Ça intéresse personne en fait aujourd'hui, hein, tout simplement. Personne ne publie de la littérature aujourd'hui. Presque plus personne, quoi. C'est rare d'avoir un vrai roman aujourd'hui publié. Et de la poésie, n'en parlons même pas, c'est vraiment. Aujourd'hui, ce sont des histoires, des espèces d'autobiographies, voilà. Quand même beaucoup ça, il y a des centaines et des centaines de textes, hein, de livres, hein, qui paraissent, hein. Donc on pourrait se dire il y a même des centaines de textes qui paraissent avec le libellé roman, hein, mais ça en fait pas forcément des romans, donc cette partie artistique, c'est chaud, quoi. Bon, pourtant la littérature, l'écriture, c'est vraiment quelque chose dans lequel je me suis investi, on va dire. Mais bon, bah voilà, faut réimprimer des manuscrits, envoyer ça à d'autres maisons d'édition. Pour l'instant, bah là, depuis quelques années, j'ai arrêté de faire ça. Et après, bon, il y a la photographie. C'est venu lentement, parce qu'il faut s'équiper, ça coûte un peu cher, quoi. Mais puis je croyais pas que ça m'intéressait plus que ça, mais comme j'ai beaucoup de potes, quelques potes, bons potes, qui sont d'excellents photographes, donc aujourd'hui je me dis, bon, j'ai eu une petite exposition une fois, on en aura une bientôt peut-être, donc ça je vous en parlerai, peut-être ou pas. Mais en tout cas, bon, la photo, a priori, mes photos sont pas dégueulasses, même si techniquement, voilà, il y a du travail encore. Mais ouais, ça peut s'exposer, s'apprécier, et tu tu pourrais peut-être éventuellement en acheter une et la mettre dans ton salon, t'aurais pas forcément honte de certaines photos. Et tu vas me dire, si t'imprimes déjà tes photos de vacances, tu vois pas de quoi je parle, peut-être, mais... je veux dire, quand tu rentres dans une galerie, c'est pas si tu regardes ce qui se passe dans la photographie aujourd'hui, si tu vas à la foire de la photo ou dans une galerie où il y a des photos, regarde ce qui se fait, regarde ce que c'est que la photo d'art, quoi. Bon, outre l'écriture et la photo, qui n'ont pas de débouché, quoi que ce soit, enfin voilà, au sens où... Mon nom n'est pas connu là-dedans. Le roman est oublié. Les photos ne sont pas vues, à part par mes potes et un peu sur mon compte Instagram. Bon, voilà, c'est pas ça, on n'y est pas, quoi. Professionnellement, je me suis mis en freelance en fait depuis quelques mois pour ne faire que ça et ne plus rebosser dans des boîtes. Du coup, la liberté, cette liberté a un prix, hein, c'est que tu gagnes moins, tu n'as pas de projet tous les mois, ou de gros, enfin de vrais projets tous les mois, donc forcément incertitude, hein, tu vois. Mais j'avais besoin de cette incertitude, donc ça a peut-être me mener à la pauvreté, à la misère, mais c'est nettement mieux comme je suis nettement mieux comme ça, bon. Mais tout ça est c'est une situation temporaire. Après, j'ai par exemple l'appartement, hein, là où je vis depuis 10 ans à Paris. Je l'ai toujours vu cet appart comme une un pied-à-terre. Je vis pas dedans, je dors puis après je vais ailleurs, sauf que ça fait 10 ans que je suis là-dedans. En plus, c'est un petit appart, parce que je veux pas payer plus cher, c'est assez aberrant de payer des 1000 euros dans un appart à Paris alors que toi tu gagnes pas. Des fois je gagne pas ça. C'est pas la peine, enfin, c'est pas du délire. Donc je vis dans un truc petit finalement. Bon, si vous êtes en province, c'est, pour vous c'est votre garage ou votre cuisine, tu vois. Et. Bah, ça fait longtemps que je dis que j'ai envie de me barrer de Paris, etc. Bah, je l'ai toujours pas fait. Hein, tu vas me dire, quand on veut, on peut. Hein, je me serais déjà de Paris, j'aurais déjà dû me partir. Mais tu vois, à l'approche de la quarantaine, bah, c'est beaucoup plus déjà difficile de se barrer, d'aller vivre à l'étranger. Tu quittes pas ton pays comme ça, quoi. Enfin, tu vas pas trouver du boulot demain en Chine ou à Taïwan, ou au Japon, ou en Corée. Bon, moi, ce serait plutôt la Chine ou Taïwan. Mais bah, tu trouves pas du taf comme ça, en claquant des doigts, à 37 ans, sur le marché du travail, t'es 38, t'es déjà un peu un vieux quand même. Donc, pas si évident. Donc là, je mets les bouchées doubles pour me barrer, et là, en ce moment, je fais les universités taïwanaises. Bon, on verra. Mais après, il y a le fait de... voilà, je pourrais me marier avec une chinoise ou une taïwanaise pour espérer me barrer. Mais pour l'instant, ça n'a pas matché. Hein. C'est compliqué, hein, les relations. Alors, ça pourrait être un aspect. Ça va être un aspect des anecdotes, peut-être, c'est marrant. Mais bon, c'est ça le truc de l'approche de la quarantaine. Et donc, travail, amour. Donc, patrie, on n'en parlera pas, hein, parce que rien à foutre. Mais le rapport au pays, peut-être, on en parlera. Donc, voilà, donc. Hein. C'est pas déprimant forcément, mais c'est pas un podcast pour donner la niaque, tu vois. Mais j'ai un certain recul sur ces choses-là qui fait que quand j'en parle, et la manière dont je les ressens, c'est absolument pas triste, quoi. Je suis pas déprimé parce que j'ai pas un boulot de ouf, par exemple. On pourrait parler de ça, réussir sa vie, tout ça, bon. Il y a des gens aujourd'hui dont je n'envie absolument pas la vie, qui, à mon sens, ont réussi leur vie. Ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont un emploi stable, ils gagnent pas mal de thunes, ils peuvent s'acheter un appart à Paris. Mais pourtant, alors certains sont contents, d'autres non. Il y en a qui sont absolument pas contents, hein, de leur life. Ils ont 40 ans maintenant, et même s'ils gagnent peut-être, je sais pas, 6 à 7 000 balles par mois, qu'ils peuvent partir en vacances sans se poser de questions sur comment ils vont, voilà, payer les frais d'hôtel, de bouffe, mais ils sont quand même pas contents. Voilà. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais aller réviser le chinois dans mon salon de thé préféré. Et puis, on parlera d'autres choses à travers peut-être la fameuse anecdote que je vous ai racontée la dernière fois, mais autrement, je sais pas, je me sens mal à l'aise de la re-raconter. Allez, à bientôt.